Bienvenue sur Radio Gemozo, bienvenue dans Salut les 60. Ils rêvent de rentrer dans la garde républicaine ou chez les sapeurs-pompiers, mais c'est une rencontre avec les chaussettes noires et les pirates qui va l'inciter à enregistrer lui aussi du rock'n'roll. C'est décidé, il sera chanteur, Lucky Blondeau. Je bois, je dors et j'oublie. Si tant qu'il pleut, chez moi sous mon toit, parce que mon toit, justement, est percé. Et si tant qu'il pleut, et que je suis enrhumé, je bois, je dors et j'oublie quand ma baby me dit qu'elle ne viendra pas au rendez-vous que je lui ai donné. Et parce qu'elle s'en va, pour moi, d'un autre que moi, je bois, je dors et j'oublie tout ça qui m'ennuie, je reste dans la vie. Vraiment tout me sourit, ouais. Une brune à midi, trois jolies blondes à minuit, je ne sais plus où j'en suis. Voilà pourquoi, sitôt que ça ne va pas comme je voudrais, oh, je voudrais que ça soit immédiatement. Prenant, prenant mon élan, je bois, je dors et j'oublie. Quand je suis réveillé devant la réalité, j'ai envie de pleurer. Ta jolie brune est partie, les jolies blondes aussi. Je suis tout seul dans la vie. Voilà pourquoi, sitôt que ça ne va pas comme je voudrais, oh, je voudrais que ça soit immédiatement. Prenant, prenant mon élan, je bois, je dors et j'oublie. Je bois, je dors et j'oublie. Je bois, je dors et j'oublie.

comes around here just about midnight. She makes me feel so good, love. I want to say she makes me feel all right. She comes walking down my street. Watch her come to my house. She knocks upon my door. And then she comes to my room. Le 1er octobre 1967 à 14h15 sur la deuxième chaîne que débute le premier programme de télévision en couleur. En cette année 67, avec Manchester et Liverpool, Marie Laforêt rend hommage au groupe anglais. Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime, et moi j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes, et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie, et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour lui aussi s'est perdu. Je t'aime, je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, et je n'y croirai jamais plus. Il est né le 8 janvier 1935 dans l'état du Mississippi. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll. Tutti Frutti, merci de votre fidélité. Excellent après-midi sur Radio Gemozo. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Lop, bop, loom, hop, lop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop,

Nous connaîtrons un bonheur sans fin toute la vie. Oui, nous serons heureux ici. Car je sais que demain comme aujourd'hui, l'amour est au cheveu de chaque. Oh oh, mon cœur est au cheveu de chaque. Oh oh, ma place est au cheveu de chaque. Oh oh, ma vie est au cheveu de chaque. Oh oh, mon cœur est au cheveu de chaque. Après Daniel Gérard, voici Jimmy Gilmer pour la version originale. Avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Semaine, Michel Leroyer nous a fait vivre les aventures contre-révolutionnaires du chevalier de Maison Rouge. C'est le premier feuilleton historique commandé par la RTF. Cette brillante adaptation du roman d'Alexandre Dumas père aura nécessité plus de 1000 figurants et 1200 costumes. Nous sommes en mars 1963 et le Danemark remporte à Londres le Grand Prix Eurovision de la chanson. En ce mois de mars 1963, Eddie Mitchell, qui n'en est qu'au début de sa carrière solo, sort son deuxième 45 tours et classe « Je ne pense qu'à l'amour » à la 32e place du hit-parade de l'époque. Hit-parade que je vous propose de découvrir. Moi je ne pense qu'à l'amour, mais l'amour veut-il de moi? Je ne pense qu'à l'amour, mais lui pense-t-il à moi? Oh, oh, oh, j'aimerais pourtant bien rencontrer la fille dont j'ai toujours rêvé. Impatient, je l'attends depuis longtemps dans le grand jardin fleuri de mes longues nuits. Je ne changerai pas, je ne pense qu'à l'amour. Et c'est bien mon droit, car à 20 ans c'est le moment de mener son cœur dans vos battants et de vivre sa vie. Ah,

Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Number One, toute la douceur et la justesse de voix de Brenda Lee. Ils ne sont pas les premiers, Adam et Ève l'ont fait avant eux. Danny Boy et ses pénitents croquent la pomme. Bon appétit, excellente journée sur Radio Gémozo. La pomme, ouais, croque la, croque la pomme, croque la, et tu seras. J'ai vu danser une pomme dans les doigts d'un pommier. Pour décrocher la pomme, je me suis élancé. Quand j'ai saisi la pomme, toi tu m'as regardé. Un oiseau s'est mis à chanter. Croque la pomme, ouais, croque la, croque la pomme. Croque-la, et tu seras. Je caressais la pomme quand tu t'es approché. Voulant de cette pomme, tu me l'as demandé. Je t'ai donné la pomme pour le prix d'un baiser. Nos cœurs se sont mis à chanter. Croque la pomme, ouais, croque-la, croque la pomme. Croque-la, et tu seras. Croque la pomme, ouais, croque la, yeah, croque la pomme, croque la, et tu seras. La pomme, jolie pomme, la bombe mordue en cœur. Au milieu de la pomme, il y avait son cœur. Dans le cœur de la pomme, l'amour nous attendait. Et l'amour nous dit de chanter, ouais, croque la pomme, ouais, croque la, croque la pomme. Croque-la, et tu seras que celui qui n'aime pas ça. Croque des noix. Eh bien, je pense qu'Adam et Ève ont dû trouver un pépin. Toujours est-il que les premières communautés de hippies font leur apparition en Californie. Monsieur Pompidou forme son gouvernement. Nous sommes en janvier 1966. Et Cauchemar Psychomoteur, le nouveau titre de Hugo Frey, fait son apparition sur les ondes des radios périphériques. Comme j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Je vois une espèce de ferme, je me dis je vais m'arrêter. J'ai dit hé hé, va-t'en, y a-t-il quelqu'un de vivant? Je me sentais vraiment seul devant la maison. Quand soudain devant moi, un grand gaillard de fermier vient me braquer son canon à la hauteur du menton. Je tombais sur les genoux en criant mais vous êtes fous. Moi j'aime bien les fermiers, ne me tuez pas s'il vous plaît. Il s'en est fallu de rien qu'ils ne me tirent comme un lapin. C'est vous l'espèce de vagabond qui vient pour mendier. J'ai dit non, non, non, je ne suis pas ce que vous croyez. En droit de suivre les sentiers, j'ai fait l'université. Alors arriva la fille qui s'appelait Rita. Elle semblait tout droit sortie de la Dolce Vita. Et je me mis en devoir de la madouer comme son père. Je lui dis la jolie ferme que vous avez là. Dites-moi qu'est-ce qu'un étudiant connaît à l'agriculture. J'ai répondu brave Jean, je suis un puits de culture. Yeah. En voyant mes ongles salis, ce que je travaillais, il me dit d'un air futé, vous avez l'air fatigué. Oh oui, j'ai fait 800 bornes et j'en ai vraiment plein d'eau. Il me jeta sur la paille avec les bestiaux. Tâchez de rester tranquille ou sinon moi je me fâche. Ne touchez pas à ma fille et demain pour traire les vaches. Bien. Je ne dormais que d'un œil quand Rita vint me secouer. Elle me faisait de l'œil comme Tony Perkins. Elle me dit viens prendre une douche, je vais te montrer où c'est. J'ai répondu hé hé hé, est-ce que là on me l'a déjà fait. J'essayais de me défiler, je ne savais pas trop comment. Mais Rita insistait vraiment très très gentiment. Bien. Je ne pouvais plus

Les surfs, c'est grâce à toi opposé pour ce deuxième match à la version originale interprétée par les Suprêmes sous le titre You Can Hurry Love. Les surfs ou les Suprêmes, allez sur Radio Gamozo, c'est à vous de choisir. Adaptation ou version originale, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Un petit détour par Broadway, l'une des avenues les plus célèbres sur Radio Gamozo, en compagnie de Billy Joe Royal. Et juste après, on retrouve le son rock'n'roll. They say the neon lights are bright on Broadway. On Broadway. They say there's always magic in the air. On Broadway. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter, it dies off and you are nowhere on Broadway. They say the girls are something else on Broadway. On Broadway. And looking at them just gives me the blues on Broadway. Now how you gonna make some time when all you got is one thin dime, and one thin dime won't even shine your shoes on Broadway. They say that I won't last too long on Broadway. On Broadway. I'll catch a Greyhound bus for home, they all say. I can play this here guitar

je ne parle pas chinois. Pour elle, pas de problème, problème. Elle dit à chaque fois. C'est tout ce qu'elle me dit. Et avec elle, on chante. C'est tout ce qu'elle nous dit et avec elle encore. Oui, c'est tout ce qu'elle dit et avec elle on chante. Ronnie Bird en 1965 reprend le The Lifetime des Rolling Stones sous le titre Elle m'attend et ça donne ceci. Oh là, vous là-bas, vous m'attendez pas. Venez-moi auprès d'elle, conduisez-moi. Où elle s'est cachée, où elle s'est cachée pour pleurer. Et on me dit qu'elle m'attend, on me dit qu'elle m'attend, on me dit qu'elle m'attend, trop longtemps. Oh non, oh non, je n'ai jamais rien pris au sérieux. Parfois je suis malheureux. Quelque chose a changé en moi. Je l'aimais, je ne le savais pas. Et on me dit qu'elle m'attend. On me dit qu'elle m'attend. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans la musique des années 60, juste après Petula Clark, les chants de l'été. Vous retrouverez notre coin du spécialiste consacré aujourd'hui à Baudilay. Excellent après-midi, merci à vous de nous écouter. Les chants de l'été se chantent tout blé, se chantent tout bleu. Pour les chanter, c'est beaucoup mieux les beaux chants de l'été. Quand on est de les beaux chants de l'été au gué et qu'on est amoureux. Les chants de l'été se chantent encore dans la douceur. Et le décro dans les chants de l'automne, on les accroque, on le vend les crayonnes au gué de brun, de jaune et d'or. Du mois de janvier jusqu'à la fin de l'année, viens donc chanter les beaux chants de l'été. Les chants de l'été sont les romances des quatre saisons qui recommencent. longtemps, en grand petit patop, en chantant, dansant de l'année tout au long. Oh gay, les bouchons de l'été. Les chants de l'été se chantent tout blanc, se chantent tout vert. Ils donnent le temps aux champs d'hiver où le blanc de la terre, le ciel couvert, forme un deuil à l'envers. Dans l'air, clair et frais des brouillères. Les champs de l'été, tout fait d'amour, tout fait d'amour, ont vu le jour. Aux champs printemps, les champs font dansant, s'embrassant les petits et les grands. Au guet, en les chantant ces mots. Du mois de janvier jusqu'à la fin de l'année, viens donc chanter les beaux chants de l'été. Les chants de l'été sont faits pour toi, sont faits pour moi, et sur ma voix j'entends ta voix, elle m'aide à chanter l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. La la la la, les beaux chants de l'été. Oh ok, la la la, les beaux chants de l'été. Sur Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Il est difficile de connaître avec exactitude la date et les circonstances de la naissance de Baudilet. Il admet cependant être né le 30 décembre 1928 à Macomb dans le delta du Mississippi. À 8 ans, Elias McDaniel, alias Baudilet, apprend à jouer du violon. Puis au début des années 40, il se met à la guitare. À 6 ans, il quitte l'école et jusqu'à la fin des années 40, il exerce différents petits boulots. Il se mariera et aura deux enfants. C'est en juin 1955 qu'il enregistre son premier 45 tours. Et dès lors, la discographie de Baudilet va s'enrichir de nombreux tubes. Avec ses guitares rectangulaires, son incontournable paire de lunettes et son air éternellement réjoui, Baudilet est l'un des personnages les plus singuliers de la musique populaire américaine. Baudilet est aussi et surtout l'un des grands pionniers du rock'n'roll. Si Chuck Berry a été l'orfèvre par excellence des riffs, Baudilet a en revanche surtout travaillé sur les rythmes. De cette rencontre entre rythme cubain et blues rural allait naître l'une des musiques les plus frénétiques de l'après-guerre. À la fin des années 50, l'influence de Baudilet se fait sentir chez d'autres artistes de rock'n'roll. Et bien avant Jimi Hendrix, Baudilet mordait déjà les cordes de sa guitare. Il mettait le feu et l'agitait comme un symbole phallique. Baudilet fut également à la base de l'éclosion de nombreux groupes anglais qui puisèrent largement dans son répertoire. Bien qu'inconnu du grand public, Baudilet est et restera une figure légendaire du rock'n'roll. So listen tight, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gon' take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh, dear, they call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dear, they call her Bell Cat to make a pretty baby a Sunday hat. We'll be right back. Won't you come to my house and flap that phone? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Oh, diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M A N, man. Make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man. Never miss the way I make love to them. They can't resist. I'm a man, I spell him. Sur Radio Guémozo, retrouvez toute l'émotion des chansons des années 60. One little girl lived on the hill. She rustled and tossed like Buffalo Bill. One day she decided she'd go for a ride with a pistol and a sword by her side. She rolled right up to my front door, knocked and knocked till the fist got sore. When she turned and walked away, all I could hear my baby say, from it like a Cadillac game. Hey, Bo-Diddley. front room, I heard a loud crash. I ran to the window to see what was that. Out in the top of my old apple tree, there was one of purple people here looking at me. I jumped in my plane and I took to the clouds. I had to go see what the mess was all about. This mess my mother did not understand. All these funny looking people from another land. My baby standing in the door, she was hollering real loud. Oh, diddly, oh, diddly, don't leave me in this house. I said, take it easy, baby, no, I got to go. I said, lock all the windows and bolt all the doors. Boy, you ought to see. He was a wiggling and a grinning and a sniggling at me. I jumped in my plane and I made it back home. The purple people needed had my baby and gone. She said she loved me, me best of all. She's my woman, all in all. She's my lover, and she's my boss. I roll around, I have a lot of fun. She always whispered to me softly, said, Bo Diddley, you the one. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sure enough, I hold her in my arms, and I kiss her real gentle. She said, my. I'm feeling real rare. Take it easy, baby. Your temperature running hot. You gonna start those after me wondering. Oh, baby, what you got? You my ball. You my rubber ball. Up the telephone and called up home at home. He said, hey, little boy, you better let my daughter know. I says, oh, yeah. He says, oh, yeah. I says,

sound funny, but I don't believe she's coming home. Don't make me worry, oh. Yeah, baby, hurry. Don't make me worry, oh. You knew that I love you. Oh, how I love you, oh. Sitting in la la, waiting for my ya-ya, oh. Sitting in la la, waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. La jument Angélinotte remporte avec brio le Grand Prix d'Amérique. S'il y avait pas ton père. Henri Salvador chante ses îles natales avec humour. Ah, si seulement j'avais une route. Dario Moreno, il va lui aussi de son mambo exotique. Avec ma petite bouteille de cognac. Emporté par la foule. Le pont de la rivière Kouai brille au soleil. Et Habib Bourguiba est élu président de la Tunisie. Et le flot sans étendre. Humphrey Bogart quitte Laurine Bacall et c'est le monde entier qui est veuf. Chevrolet sort une deux portes, la Bel Air. Il faut les tuer et les tuer vite. Fleetox nous débarrasse des insectes gênants. Fleetox tue tous les insectes. Les casques bleus s'installent à Gaza et dans le Sinaï. Et la frontière algéro-tunisienne est désormais matérialisée par un barrage électrifié. Marilyn séduit Laurence Olivier dans Le Prince et la Danseuse. Et Orson Welles nous abreuve de La Soif du Mal. shake that thing all right. Tell your pa, I gonna send you back to Arkansas. Hey honey, you don't do right. I say you don't do right. All right. The boogie woogie all night long. All right. Hey, hey. Huh. All right. Well, tell me what I say. What I say. Tell me what I say right now. What I say. Honey, what I say. What I say. Baby, what I say right now. What I say. Tell me what I say. Oh. Honey, what I say. And I wanna know. I gotta know. Baby, I wanna know right now. Baby, I wanna know. Repris avec beaucoup de talent, le What I Say de Ray Charles. Pour le plaisir de nos oreilles, c'était Jerry Lee Lewis. Les chaussettes noires et Sheila Pamela, la légende en musique sur Radio Gemozo. Pamela, Pamela, quand tu es partie, vous avez fait une drôle de comédie. Tu pleurnichais sans arrêt dans nos bras. À présent tu ne penses qu'à retourner là-bas. Oh, Pamela, on est content pour toi. Pamela, Pamela, comme tu as changé. Tes yeux sont moqueurs et ton rire est léger. Tu t'habillais avec n'importe quoi. Des robes à présent, tu en as tout un choix. Oh, Pamela, on est content pour toi. Moi qui t'ai connu timide et effacé, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis, tu le sais, ton amie de toujours. Est-ce le voyage ou l'amour? Pamela, Pamela, tu veux t'amuser. À danser, toi qui jamais ne sortais autrefois, dans tous les endroits à la mode on te voit. Oh, Pamela, on est content pour toi. Où as-tu donc déniché ce nom-là? Tu t'appelais Corinne et maintenant Pamela. Oh, Pamela, on est content pour toi. Mary Lou, de mon cœur tu t'aimer comme un fou. Mon amour ne t'intéresse guère. Adieu, Mary Lou. Oh, oh, oh. Oh, Mary Lou. Oh, Mary Lou. Oh. Ah, sublime, tout à fait sublime. Ils avaient le son cette année 61. Ils, c'était les Chaussettes Noires. Oh, Mary Lou. Dans quelques minutes, eh bien, il sera 17h, ça sera l'heure de se quitter. Je vous rassure tout de suite, on se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche entre 10h et midi pour la rediffusion hebdomadaire. L'émission d'aujourd'hui est disponible sur radiogameoiseau.eu, le tout en minuscules et sans accent. Voilà, c'est notre adresse internet. Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie. Excellente semaine sur Radio Gameoiseau. My name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is a part of the free West. I was taught and brought up there, its laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. For the country was young with God on its side. Oh, the First World War, it came and it went. The reason for fighting I never could get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. And then the Second World War, it came to an end. We forgave the Germans, and now we are friends. Though they murdered 6 million in the ovens they fried, the Germans now too have God on their side. But now we have weapons.